Chapitre 4. Mac Bingerton. Des policemen étaient entrés en grand tumulte dans la salle d'imprimerie. Avec eux, des détectives anglais, le bras Blamorse et deux hommes encore de la brigade de Paulin Broquet. Les détectives s'empressèrent autour de Simonet et de la Rochardie. Ils les dégagèrent de leurs liens. Aussitôt, Simonet se jeta dans les bras de la Rochardie, l'embrassa longuement en pleurant, mais la Rochardie, malgré son courage, chancela sur ses jambes et fit mine de tomber. Lamorce et les hommes de Paulin Broquet l'emportèrent. « Je me charge du capitaine, » dit Lamorce à Simonet. « Vous, monsieur, achevez votre mission. Allez au Foreign Office, et vous reviendrez retrouver votre héroïque ami au Cyril Hotel, entouré de tous les soins désirables. » Dans la soirée, autour du lit de la Rochardie, se trouvaient Simonet, le capitaine de Montgomery, Lamorce, qui servait d'infirmier pour le moment, et un docteur. L'oncle du capitaine de Montgomery, le ministre du Foreign Office, avait eu en main propre les documents précieux qui, grâce à l'ingéniosité de Paulin Broquet, à la hardiesse des trois amis et à la merveilleuse bravoure de la Rochardie, avaient pu échapper à la convoitise de la bande de Zigomar. Le ministre des Affaires étrangères était venu lui-même avec son neveu serrer la main du brave officier français dont il avait appris l'acte d'héroïsme. Des camarades de régiment de Montgomery, les officiers ayant suivi les manœuvres françaises, étaient venus déposer leurs cartes et féliciter leurs braves frères d'armes, dont tous les journaux de Londres publiaient, dans des éditions spéciales, la fantastique aventure. La Rochardie, fort heureusement, s'il souffrait encore beaucoup de l'effroyable pression opérée sur sa poitrine, n'avait aucun organe essentiel endommagé ou atteint. Ce n'était pour lui, grâce à sa robuste constitution, qu'une affaire de quelques jours. Il avait eu le courage de sourire et de déclarer à ses amis que ce n'était en somme pas plus grave qu'une chute de cheval ou qu'une poitrine martelée dans un assaut de boxe. Le docteur lui assurait qu'il n'y aurait aucune complication. « Un peu de repos, » dit-il, « de tranquillité et ce sera fini. » Montgomery ajouta avec cet humour froid de pince sans rire qui est propre aux Anglais. « Peut-être que quelques penny avenge seraient très profitables pour la prompte guérison. » Comme il disait cela, le garçon de l'hôtel apporta sur un plateau, bien enveloppé dans du papier transparent, un énorme bouquet formé de fleurs semblables à celles dont se composent les bouquets que vendent les marchandes de la rue, pareil à celui qui était, en somme, la cause de l'aventure de la journée. « Penny a bunch !» fit Montgomery, imitant le cri des marchandes de fleurs. Quelque peu étonné, la Rochardie regardait le bouquet, ses amis et ceux qui l'entouraient, intrigués et se demandant d'où pouvait lui venir ce gracieux et ingénieux envoi de fleurs. Il défit le papier, et comme il sortait le bouquet, une carte toute mignonne tomba. La Rochardie la saisit et lut avec émotion ces mots. « Miss Maud de Montgomery envoie au vaillant officier français, avec ce penny à bunch, ses souhaits de prompte guérison. » Et un peu plus bas, il y avait une autre ligne disant ceci, « J'y joins mes vœux. » Comme signature, T.S. de Montgomery. « Mon père, » dit le capitaine en souriant à la Rochardie, « et ma sœur, à qui j'ai raconté votre exploit. » La Rochardie voulut dire quelque chose, mais pour une rare fois de sa vie, la parole ne voulait pas sortir de son gosier, que l'émotion serrait énormément. Il se contenta de prendre la main de son ami et de lui donner un shake-hand, dont l'énergie faisait bien augurer de la prochaine guérison. Dans la soirée, comme Simonet et Montgomery se trouvaient seuls dans la chambre de la Rochardie et sirotaient quelques verres de liqueur tout en fumant des cigares, Lamorce fit demander par téléphone s'il pouvait lui aussi venir passer quelques instants auprès du blessé. La Rochardie lui-même tint à répondre par le téléphone. « Mais oui, mon brave Lamorce, je serai heureux de vous voir. Je ne suis pas fatigué. Je n'ai nullement envie de dormir. Je vous attends. » Quelques instants après, Lamorce pénétrait dans la chambre de l'officier. « Je vous apporte, dit-il, les compliments et les souhaits de mon chef, Paulin Broquet. Je lui ai fait dire par fil spécial de se rendre aussitôt à la rédaction d'un journal ami. J'ai fait télégraphier par le correspondant londonien de ce journal le récit de votre aventure. De la sorte, Paulin Broquet est tenu au courant, sans qu'aucune indiscrétion puisse être commise, et avant que la nouvelle soit connue officiellement à la préfecture de police ou donnée par les agences. Il m'a télégraphié en langage convenu, et voici la traduction de sa dépêche que je devais vous remettre. La Rochardie lut le télégramme de sympathie et répondit « Vous remercierez bien Paulin Broquet, et lui direz combien ses compliments sont flatteurs pour moi et me sont agréables. Vous ajouterez que si j'ai pu, en somme, m'en tirer à si bon compte, c'est parce que son bon lieutenant Lamorse l'a remplacé ici et a fait ce que lui-même aurait accompli pour moi. » Lamorse remercia le capitaine et ajouta « Mais, capitaine, je ne suis pas ici uniquement pour vous faire des compliments et recevoir les vôtres. J'ai encore une mission à remplir. Et si vous voulez bien me permettre, je la remplirai dans ce fauteuil, sans bouger, sans dire un mot, sans vous gêner en quoi que ce soit. » « Comment cela ? » demandèrent les trois amis, en regardant, en écoutant, en devinant. Lamorse ne voulut pas en dire plus long aux trois amis intrigués. Il passa de l'autre côté du lit, dans la ruelle plongée dans la pénombre, et s'enfonça très commodément dans un grand fauteuil anglais en cuir, bien douillet, bien moelleux, et offrant le plus de confort possible pour un homme qui veut se reposer. C'est là que, très à l'aise, sans rien faire, Lamorse pensait travailler. Il y était à peine installé que le téléphone retentit de nouveau. Mac Binkerton demanda au capitaine de la Rochardie s'il peut le recevoir. Il a une communication importante à lui faire. Entendant la Rochardie répéter le nom tout haut, Lamorse, sans bouger le moins du monde de son fauteuil, dit seulement ceci. « C'est le chef des détectives anglais qui, tout à l'heure, est venu à votre secours. C'est lui qui m'a prévenu de l'attentat dont vous étiez victime. C'est grâce à lui que j'ai pu arriver au moment critique. » La Rochardie s'écria. « Alors recevons vite ce bon monsieur Mac Binkerton. Je tiens à le remercier de son heureuse intervention. » Pendant que Mac Binkerton, détective anglais privé, montait l'ascenseur, Lamorse, conservant encore son immobilité, dit à mi-voix en s'adressant aux trois amis « Mac Binkerton est très habile et très prompt dans l'exécution. Cependant, une chose m'étonne, c'est qu'il ait su que j'étais Lamorse, que je me trouvais à Londres en même temps que vous. C'est enfin qu'il ait eu le temps de me prévenir, de m'emmener avec lui de façon à ce que nous arrivions au moment voulu. » Les trois amis s'écrièrent. « En effet, c'est étrange. Mais que pensez-vous de cela? Que soupçonnez-vous ? » « Moi, » répondit Lamorse, « je suis de l'école de Paulin Broquet. Je ne pense à rien. Je ne soupçonne rien. Je ne fais aucune présomption avant d'avoir vu, d'avoir entendu. Voyons d'abord Mac Binkerton. Je vous dirai ensuite si son intervention est due à son extrême habileté, au simple hasard ou bien à la complicité. » Peu après, Mac Binkerton pénétrait dans la chambre du blessé. Il alla lui serrer la main, s'enquit de ses nouvelles, lui présenta ses vœux et lui dit, coupant la parole à la Rochardie qui probablement allait le remercier, « Mon cher capitaine, permettez-moi de vous arrêter. Vous allez me remercier, cela n'en vaut pas la peine. J'ai simplement été heureux. J'ai pu montrer une fois de plus à l'Angleterre étonnée et maintenant ravie que Mac Binkerton était toujours le premier détective de Londres et du Royaume-Uni. « Je le constate avec plaisir, » répondit la Rochardie, « et le proclame. » Le détective s'inclina et reprit la parole. Il s'exprimait en un français très correct, qu'il prononçait avec un accent anglais fort peu accentué, car il avait, affirmait-il, vécu très longtemps en France. Il appréciait hautement la façon de faire de Paulin Broquet, qu'il tenait en grande estime, et s'il ne connaissait pas personnellement le détective français, qu'il avait seulement quelquefois rencontré au cours de ses campagnes, il s'empressait de témoigner à tout propos son admiration pour lui. Plongé toujours dans son fauteuil de cuir, Lamorse, sans bouger, écoutait. De son regard pointu et incisif, qui, comme celui de son maître, semblait fouiller au fond des êtres, il suivait le détective anglais dans le moindre de ses gestes, cueillait le plus petit de ses regards et notait chacune de ses intonations. « Vous êtes sans doute étonné, capitaine, commença Mac Binkerton, que je sois venu avec une telle précision à votre secours. De même que mon confrère Lamorse a pu trouver étrange que j'ai eu le loisir d'aller le prendre pour l'emmener avec moi. Je vous en dois l'explication, la voici. Dans le train que vous avez pris l'autre soir à Paris, j'étais de faction avec deux de mes hommes. Nous avions pour mission de veiller sur une dame anglaise d'une très grande fortune, qui voyageait seule, parce que c'est une maniaque qui pousse l'économie jusqu'à un degré ridicule. Malgré ses millions, elle prétend qu'on va aussi vite dans les deuxièmes classes qu'en première, et elle prend les troisièmes si le train en comporte. Cette excellente femme a une autre manie, c'est de n'avoir pas confiance dans les coffres-forts, dans les caisses, dans les maisons de banque. Elle porte toujours sur elle, dans une sacoche en cuir, quelques douzaines de bagues, des bijoux, des diamants qui constituent une assez jolie fortune. Les parents chez qui elle était à Paris, redoutant à juste titre un coup tenté contre elle, m'avait chargé de la surveiller, sans qu'elle s'en doutât, depuis son départ de Londres à Paris et durant son retour de Paris à Londres. Le hasard a voulu que je prisse le même train que vous, et naturellement, après le coup de main tenté par l'illustre Zigomar, m'attendit, contre vous, j'ai eu connaissance de la présence dans le train de Paulin Broquet et de ses hommes, et puis j'ai su que la mort, ces deux aides, s'étaient remis le lendemain en route pour vous protéger. Grâce au ciel des millionnaires avares, pendant le trajet, aucun attentat n'a pu être commis contre la vieille maniaque que je surveillais. Il m'a pris fantaisie alors de vous suivre, vous, à Londres, de vous surveiller en même temps que l'amorce, et voilà comment il s'est fait que j'ai pu assister à l'affaire du Strand et voir la scène de la bouquetière du Penny à Bunge. Voilà comment, à ma grande stupéfaction, je vous ai vu emmener dans une automobile, en dehors de toute règle de police londonienne, avec la bouquetière, vers un Scotland Yard inconnu, par des policemen que moi, qui les connais tous, je ne connaissais aucunement. Des hommes à moi suivirent la voiture qui vous emportait, vous et M. Simonet, de façon à ne pas vous perdre de vue. J'étais tenu au courant de la route prise par cette singulière voiture, pendant que j'allais, moi, prévenir mon confrère Lamorce. Cela demanda quelque temps, vous le concevez, mais nous avons eu la chance d'arriver à temps pour empêcher l'infamie d'avoir une suite désastreuse. Les trois amis écoutaient ce récit avec la plus profonde attention. Lamorce, dans son fauteuil, ne bougeait toujours pas. Mac Winkerton, après un court silence, reprit. « Il est certain que les gens à qui vous avez eu affaire ne devront pas s'en tenir à cet échec. Vous avez à redouter un nouveau coup, d'autant plus terrible qu'il devra effacer l'impression de cette victoire obtenue par les détectives. » Se tournant vers l'amorce qu'il avait, dès son entrée dans la pièce, aperçue dans son fauteuil, Mac Binkerton dit alors « N'est-ce pas votre avis, mon cher confrère ?» L'amorce se garda bien de donner une autre opinion et déclara « J'en suis absolument persuadé. » Au fond, peut-être pensait-il tout le contraire, mais il tenait à savoir où voulait en venir le détective anglais. Fort de son assentiment, Mac Binkerton reprit « Il faut donc, messieurs, que quelqu'un ici, à défaut de Paulin Broquet, veille sur vous. L'appui de mon confrère Lamorce est indispensable, mais qu'il me permet de lui dire qu'ici, à Londres, qu'il ne connaît pas suffisamment et qui est plein de mystères, de ressources secrètes, dont sauront faire usage les bandits auxquels nous avons affaire, je crois que mon concours lui est indispensable. De même qu'à Paris, Paulin Broquet est maître de la ville, de même ici, moi, Mac Binkerton, je suis le maître de l'immense capitale. Attiré vers vous par une sympathie due à ce que vous êtes des Français et des gentlemen d'une bravoure admirable, je viens vous offrir mon aide, mon appui. Je serais heureux si vous m'autorisiez à veiller sur vous ici à Londres, comme là-bas à Paris, en pareilles circonstances. Paulin Broquet l'eût fait pour des gentlemen anglais. Il ajouta. En Angleterre, rien ne se traite sans qu'on ne fixe d'abord la somme d'argent que l'affaire représente. Laissez-moi vous dire que Mac Binkerton est le détective le plus payé des pays où se parle la langue anglaise, c'est-à-dire de la moitié du monde. Mais loin de vous demander la moindre rétribution, j'estime qu'après la réclame faite sur mon nom après cette aventure d'aujourd'hui, je suis votre débiteur. Je considère qu'il est de mon devoir de ne pas vous perdre de vue, de ne pas vous abandonner tant que vous serez en Angleterre, et de ne me démettre de ma surveillance que quand je saurai que vous êtes sain et sauf sous la garde admirable de mon incontestable maître, l'illustre Paulin Broquet. Le capitaine dit alors « Je ne sais, monsieur, si je dois accepter ou refuser, ne voulant pas abuser de vos instants et susciter un surcroît de fatigue et de travail chez vous. Je ne saurais d'ailleurs, le danger passé, comment vous remercier et vous montrer ma reconnaissance. » Mac Binkerton l'interrompit, allongeant le bras, et dit « Bien qu'il s'agisse de vous, capitaine, vous n'avez en réalité aucune voix au chapitre. Votre réponse, si elle est acceptation, me fera le plus grand plaisir. Si elle est refus, ne m'empêchera pas d'agir sans que vous le sachiez, car je tiens pour certain qu'en faisant cela, qu'en veillant sur vous, je suis agréable à Paulin Broquet. » Et il dit encore « D'ailleurs, demandons l'opinion de Lamorce, qui est le premier lieutenant de son chef Paulin Broquet. » Lamorce répondit « Puisque mon illustre confrère Mac Binkerton vient de nous dire que même si vous vous y opposiez, il vous surveillerait, sans que vous le sachiez, autant vaut, puisqu'il pense que cela fera plaisir à Paulin Broquet, mon maître, lui donner l'autorisation de vous surveiller à son gré et de la façon qu'il l'entendra. » Avec joie, Mac Binkerton s'écria « All right, mon cher confrère, c'est bien parlé. Dès maintenant, je continue ma surveillance. » Puis, se levant brusquement, il salua les trois amis, son confrère, Lamorce, dans son fauteuil de cuir, et se retira comme tout bon anglais qui n'a pas de temps à perdre aux bagatelles des salutations. Restés seuls, les trois amis se consultèrent du regard. Puis ils demandèrent à l'amorce « Que pensez-vous de tout cela ?» L'amorce répondit « Tout à l'heure, je vous ai dit que, suivant les maximes de mon maître Paulin Broquet, je ne devais faire aucune conjecture avant d'avoir vu les faits. Mais ma conviction est que les bandits auxquels nous avons affaire sont trop intelligents et ont trop besoin de leur temps, afin de courir après de nouvelles affaires, pour chercher contre vous une vengeance sans profit. » « C'est mon avis également, » dit Montgomery. « Je suis certain que vous n'avez rien à craindre, mon cher ami, en Angleterre. »« Toutefois, » ajouta l'amorce, « veuillez me promettre, mon cher capitaine, que vous ne tenterez aucune démarche, ne ferez aucune excursion et n'accepterez aucune invitation sans m'avoir fait savoir d'abord quelles sont vos intentions, où vous comptez aller et combien de temps vous serez parti. Nous ne sommes que trois à Londres, moi et mes deux aides, et ne connaissant pas aussi bien que Mac Bingerton tous les secrets de l'immensité, nous risquerions fort, en cas de danger, d'arriver un peu tard cette fois. Mais sachez que nous veillons absolument sur vous, jour et nuit, ainsi que sur M. Simonet. Pour ce soir, vous pouvez dormir en toute tranquillité. Si vous rêvez de bouquets cette nuit, de Penny Abunge et de bouquetière, que ce rêve soit seulement évoqué par le Penny Abunge que l'on vient de vous remettre. » Et saluant après avoir serré la main que lui tendaient les trois amis, il se retira dans la chambre voisine qui lui était réservée et d'où il lui était facile de veiller sur les deux amis.